Au sport. Le 24 février, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis Saint-Laurent reçoit la Frontalière de Quaticook à 16h à l'Aréna Robert Fournier-Distinguis.